Chapitre 55 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 55 des Senteurs. Il se dit d'aucuns, comme d'Alexandre le Grand, que leur sueur épandait une odeur suave, par quelque rare et extraordinaire complexion. De quoi Plutarque et autres recherchent la cause. Mais la commune façon des corps est au contraire, et la meilleure condition qu'ils aient, c'est d'être exempts de senteur. La douceur même des haleines plus pures n'a rien de plus parfait que d'être sans aucune odeur qui nous enfance, comme sont celles des enfants bien sains. Voilà pourquoi, dit Plaute, Mulier tum bene olet, ubi nihil olet. La plus exquise senteur d'une femme, c'est de ne sentir rien. Et les bonnes senteurs étrangères, on a raison de les tenir pour suspectes à ceux qui s'en servent, et d'estimer qu'elles soient employées pour couvrir quelques défauts naturels de ce côté-là. D'où naissent ces rencontres des poètes anciens? C'est puir que sentir bon. Rides nos coracine nihil olentes. Malo quam bene olere, nil olere. Et ailleurs, postume, non bene olet, qui bene semper olet. J'aime pourtant bien fort à être entretenu de bonnes senteurs, et ai outre mesure les mauvaises, que je tire de plus loin que tout autre. Namque sagacius unus odoror, polypus, an gravis hirsutis cubet ircus inalis, quam canis acer, ubi lateat sus. Les senteurs plus simples et naturelles me semblent plus agréables, et touchent ce soin principalement les dames. En la plus épaisse barbarie, les femmes citent, après s'être lavées, se saupoudrent et encroutent tout le corps et le visage de certaines drogues qui naissent en leur terroir, odoriférantes. Et pour approcher les hommes, ayant ôté ce fard, elles s'en trouvent épolies et parfumées. Quelque odeur que ce soit, c'est merveille combien elle s'attache à moi, et combien j'ai la peau propre à s'en abreuver. Celui qui se plaint de nature, de quoi elle a laissé l'homme sans instrument apporter les senteurs au nez, a tort, car elle se porte elle-même. Mais à moi particulièrement, les moustaches, que j'ai pleines, m'en servent. Si j'en approche mes gants ou mon mouchoir, l'odeur y tiendra tout un jour. Elles accusent le lieu d'où je viens. Les étroits baisers de la jeunesse, savoureux gloutons et gluants, s'y collaient autrefois et s'y tenaient plusieurs heures après. Et si pourtant je me trouve peu sujet aux maladies populaires, qui se chargent par la conversation et qui naissent de la contagion de l'air, et me suis sauvé de celles de mon temps, de quoi il y en a eu plusieurs sortes en nos villes et en nos armées. On lit de Socrate que n'étant jamais parti d'Athènes pendant plusieurs rechutes de peste qui la tourmentèrent tant de fois, lui seul ne s'en trouva jamais plus mal. Les médecins pourraient, se crois-je, tirer des odeurs plus d'usage qu'ils ne font, car j'ai souvent aperçu qu'elles me changent et agissent en mes esprits selon qu'elles sont, qui me fait approuver ce qu'on dit que l'invention des encens et parfums aux églises, si ancienne et si épandue en toutes nations et religions, regarde à cela de nous réjouir, éveiller et purifier le sens, pour nous rendre plus propres à la contemplation. Je voudrais bien, pour en juger, avoir eu ma part de l'ouvrage de ces cuisiniers qui savent assaisonner les odeurs étrangères avec la saveur des viandes, comme on remarqua singulièrement au service du roi de Thunes, qui de notre âge prit terre à Naples pour s'aboucher avec l'empereur Charles. On farcissait ces viandes de drogues odoriférantes, de telle somptuosité qu'un paon et deux faisans se trouvèrent sur ces parties revenir à 100 ducats pour les apprêter selon leur manière. Et quand on les dépeçait, non la salle seulement, mais toutes les chambres de son palais et les rues d'autour étaient remplies d'une très suave vapeur qui ne s'évanouissait pas si soudain. Le principal soin que j'ai à me loger, c'est de fuir l'air puant et pesant. Ces belles villes, Venise et Paris, altèrent la faveur que je leur porte, par l'aigre senteur, l'une de son marais, l'autre de sa boue. Fin du chapitre 55.